L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Leluerne. Huitième épisode. J'avais 60 ans, j'étais commissaire, grand-père, et les choses avaient commencé à disparaître de ma vie. D'abord des souvenirs, puis mon arme. Le beau-père de Linda, ma fille, Hakan von Henke, ancien officier de marine, et quelques jours plus tard sa femme, Louise. J'avais décidé de mener ma propre enquête parallèlement à la police de Stockholm et au service secret. J'avais découvert que Hakan avait été au cœur d'une histoire de sous-marins russes dans les eaux territoriales suédoises en pleine guerre froide. Espionnage, contre-espionnage, en tout cas j'étais sûr désormais qu'il savait des choses qui pouvaient gêner certaines personnes haut placées. Et je commençais à me demander si cette affaire ne dépassait pas le cadre de mes compétences quand la police de Stockholm m'annonça qu'ils avaient découvert le cadavre de Louise dans une forêt. Ça ressemblait à un suicide, mais il y avait des choses bizarres. À commencer par la présence dans son sac à main d'une poche secrète avec des microfilms en écriture cyrillique. Glycémie 7-7, arme en lieu sûr. Père vieux et décédé. Chien malade. Fille têtue comme une mule. Gendre au bord de la rupture. Belle-mère espionne soviétique. Mes listes étaient en train de prendre une drôle d'épaisseur. C'est pas possible, Courtier. Il y a forcément une autre explication. Et qu'est-ce qui expliquerait que ta mère ait sur elle des documents en cyrillique ? Excuse-nous, papa, mais on a quand même le droit de s'interroger. T'es sûr de ce que tu avances ? Je serais pas venu vous en parler, sinon. Eh, tu t'énerves pas ? Je ne m'énerve pas, Linda, mais épargne-moi tes questions inutiles. S'il te plaît, je t'en prie. Hans a raison. Louise, agent secret, ça tient pas debout. Je ne sais pas ce qui tient debout, mais je sais qu'on ne peut se baser que sur des faits. Et les faits sont qu'elle avait des documents sur elle. Des microfilms étiquetés en cyrillique. Ouais, et alors ? On a très bien pu les glisser dans son sac. Ce que tu dis n'est pas une preuve, ni un fait, c'est juste une conviction. Exactement, c'est une conviction. Et c'est toi qui m'as appris ce que ça voulait dire. Bon, moi je vais faire du café. Ça évitera à tout le monde une de ces disputes absurdes. Je doute pas qu'il y ait une explication logique à la présence de ces documents dans son sac. Écoutez, Courte, je sais qu'on se parle pas beaucoup, vous et moi. Je sais qu'on vous a servi sans doute mille fois les mêmes histoires, mais je vous supplie de me croire. Ma mère n'était pas une espionne, j'en suis sûr. Même si parfois j'ai l'impression que je sais plus vraiment de qui je parle. Je veux dire, comment peut-on être aussi cruel ? Cacher à son propre fils qu'il a une sœur alors que je me plaignais sans cesse d'être enfant unique. Comment peut-on répondre à des regrets d'enfant avec une dureté aussi glaciale ? Je suis de ton côté. Itterberg voulait que je garde le silence, mais entre toi et les services de renseignement, mon choix était vite fait. J'aimerais que tu réfléchisses attentivement. Je sais que c'est pas facile, mais essaye de te concentrer, de remonter le plus loin possible. Est-ce que la présence de microfilms t'évoque quelque chose ? Un souvenir, des paroles ou des personnes qui seraient venues voir ta mère ? La vérité, c'est que j'ai seulement mal au ventre, là. J'arrive pas, j'arrive plus à penser. En tout cas, moi je peux pas croire qu'elle se soit suicidée. Et encore moins dans un endroit aussi sinistre. C'est marrant, c'est aussi ce que m'a dit Stein Nordlander. Tu vois, justement, puisque t'en parles, on a repris la liste des invités avec Hans. Hakan nous avait demandé d'imprimer la liste de ceux qui étaient venus, ceux qui n'étaient pas venus, etc. Tu trouves pas ça bizarre que Stein n'ait pas été invité ? Ni son ami là, tu sais, celui avec son accent qui fait plouc, l'américain. Qu'est-ce que t'as dit ? L'américain là, Ritzkins... Non, sur son accent. Oui, bah, je suis désolée, mais l'accent américain en suédois, ça fait vraiment patois du fin fond de je sais pas où. Il parle suédois, Atkins ? Bah oui. Comment tu le sais ? Bah, je le sais, je l'ai entendu parler suédois. Et mal. Mais tu l'as déjà vu ? Mais oui ! Tu te rappelles, Anne ? C'était quand, il y a un an, deux ans ? En plus, on l'a croisé avec mon père à Copenhague. Complètement par hasard, d'ailleurs. Il m'a dit qu'il était jamais venu en Suède. Attendez, c'est simple, on va lui demander. Oui, bonjour. J'aurais voulu parler à Monsieur Atkins, s'il vous plaît. Chambre 508. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Il a quitté l'hôtel. Bonjour, Sophia. Tu ne m'as pas attendu l'autre jour pour déjeuner. Ah, je suis désolé, j'ai des problèmes de famille un peu compliqués ces temps-ci. Ouais, je sais. Ta fille est venue poser des jours, elle aussi. Est-ce que Lénard est là? Parce que je suis venue un peu incognito. T'inquiète pas, il est parti à une formation de je ne sais pas quoi. 3 jours à Stockholm au frais du contribuable. Martinson est dans son bureau? Ouais. Salut, Kurt. Je voulais être le premier à te le dire. Je suis désolé. Désolé, de quoi tu parles? Je suis venu récupérer mon arme. Lennart ne t'a pas appelé? Ils ont rendu leur conclusion sur ton enquête interne. Tu es suspendu 1 mois sans solde. Les enfoirés. La question est donc réglée. Parfait, je peux récupérer mon arme? Je suis pas sûr que Lennart trouverait que c'est une bonne idée. Mais comme Lennart est parti à Stockholm... Et toi, tu es sûr que c'est une bonne idée? La belle-mère de Linda est devenue une espionne russe. Des gens sont venus fouiller chez moi. Mon chien est malade, je pense qu'il a été drogué. Et je veux être bien sûr que si des gens viennent encore, on pourra causer la même langue, tu comprends? Je comprends. Kurt? Un fax vient d'arriver pour toi. Ah, c'est Stockholm. Je leur ai demandé qu'ils me faxent le rapport d'autopsie de Louise von Henke. C'est bien ça. Bon courage, les garçons. Présence sous les semelles de débris de samare plate et simple, issus d'arbres du genre Fraxinus. Ce sont les fruits du frêne. On n'en trouve pas beaucoup dans la région. T'es botaniste, toi, maintenant? Il y a des samares dans la recette de mon élixir suédois maison. C'est bizarre, là où on a retrouvé le corps, il n'y avait que des hêtres. Ben, elle a dû aller avant dans un endroit avec des frênes. Où est-ce qu'il pourrait y avoir des frênes? À la clinique Niklas Garden. Avant de mourir, Louise est allée voir sa fille. Attends. Itterberg? Oui, c'est moi. Tu as lu le rapport? Je viens de le recevoir. Bon, parfait. Écoute, je vais être bref. J'essaie d'être en vacances, mais j'y arrive pas très bien. Le légiste a analysé le sang de Louise. Il confirme qu'il contenait, en simplifiant, une préparation à base de somnifères. Mais pas seulement. Il y a certains composés qu'il ne reconnaissait pas. Bref. Il a fait quelques recherches et il croit trouver des ressemblances entre cette préparation et certaines autres qui avaient cours du temps de l'RDA. Quoi? Oui, l'Allemagne de l'Est, le miracle des sportifs, tu t'en souviens? Tous ces nageurs, ces athlètes extraordinaires, aujourd'hui on sait qu'ils étaient dopés à mort. Un troupeau de monstres, voilà ce qu'ils étaient. J'y comprends rien. Louise s'est suicidée ou bien elle s'est dopée? Ça n'a aucun sens. Écoute, j'en sais pas plus que toi. Heureusement que je suis en vacances. Allez, je te rappelle. Dis-moi, tu te rappelles cet homme qui était rentré illégalement chez nous en 85 ou 86? Il venait de RDA, il demandait l'asile politique. Eh, il s'était pointé là carrément de lui-même pour nous expliquer qu'il avait été officier dans la Stasi, qu'il craignait pour sa vie s'il n'obtenait pas l'asile. Il l'avait eu d'ailleurs. Hébert ou un truc comme ça. C'est ça. Hermann Hébert. Tu pourrais retrouver son adresse quelque part? La maison était une ruine de briques au fond d'une combe. J'avais déjà rendu visite à Hébert une fois, 10 ans plus tôt. Il vivait dans l'effroi que son passé ne le rattrape. Il avait été un de ceux qui écoutaient, traquaient et persécutaient ses concitoyens, jusqu'à officier dans une section secrète dont l'unique activité était de tuer les gens. Lorsqu'il avait compris que la politique de son pays se résumait à une propagande malveillante et cruelle, sa haine de lui-même avait grandi peu à peu. Il avait fui. La Suède était d'accès facile. Il suffisait de prendre une fausse identité et de monter à bord d'un ferry. Mais si la RDA n'existait plus, Ses victimes, elles, oui. Hermann ? Et il redoutait toujours une possible vengeance. Hermann Hébert ? Rien ne pourrait jamais le guérir de cette peur. Hermann, c'est moi, Wallander. Ton vieux flic d'Istat, tu te rappelles ? C'est toi. Je me rappelle. Toujours occupé à faire des mots croisés ? Ma spécialité, c'est les grilles très difficiles. Je fais des grilles de mots croisés pour des journaux allemands. Créer une grille, c'est un art en soi, tu sais. Je peux entrer ? Non, tu peux pas. C'est trop le bazar. Je suis sur la grille la plus difficile que j'ai jamais faite. Et ce n'est pas le moment de mettre le bazar. Il faut rester concentré, concentré. C'est tout un art. On peut s'asseoir ici. Ok. Dehors, c'est bien. Voilà, j'ai besoin de ton aide. Tu veux bien jeter un œil à ce rapport médico-légal ? Oui, les préparations auxquelles ça fait allusion sont effectivement celles que j'utilisais autrefois. Des préparations pour ? Pour Boris. Je t'ai pas raconté l'histoire de Boris. Je vais te raconter l'histoire de Boris. C'était un Russe chargé d'assurer la liaison entre nous, la police politique de la RDA et l'une des sections du KGB à Moscou. Il est arrivé à Berlin-Est quelques mois avant la construction du mur. C'était l'étoile russe montante, le cerveau redouté du KGB à Berlin. En 6 mois, il a fait muter plusieurs hauts fonctionnaires de la Stasi, a démantelé l'un des meilleurs réseaux de Grande-Bretagne. 3 agents furent exécutés après un procès sommaire à huis clos. En temps normal, on les aurait échangés contre des agents soviétiques ou est-allemands, emprisonnés à Londres. Mais Boris avait exigé leur tête. Il voulait envoyer à la fois un avertissement aux Occidentaux et à ceux des nôtres qui auraient pu envisager une carrière d'agent double. Et alors ? Et alors, un jour, magie, abracadabra, il a disparu. Le grand héros avait vendu son âme aux Anglais, et donc aux Américains aussi, bien sûr. C'était pour se protéger lui-même qu'il avait personnellement fait exécuter les agents britanniques, afin d'éviter que certains négocient un peu de clémence en donnant son nom. Avoue que pour faire ces boulots, il faut tout de même une bonne dose de cynisme. Sa trahison a été une humiliation terrible, à la fois pour la Stasi et pour le KGB. Beaucoup de têtes ont roulé un peu partout. Et tout à coup est arrivé un ordre assorti de la plus haute priorité. Boris devait mourir. Pas seulement. Il fallait sauver les apparences, continuer coûte que coûte la propagande. Il fallait donner l'impression qu'il avait été pris de remords. Il allait donc laisser une lettre où il décrirait son abjecte trahison et la qualifierait lui-même d'impardonnable. Et pour conclure, chanterait la gloire de l'Union soviétique et de la RDA. Ensuite, il se coucherait pour mourir, avec une bonne dose de mépris de lui-même. Et surtout, de nos somnifères spéciaux. Une préparation spéciale qui tuerait Boris sans laisser d'autres traces que celle de somnifère ordinaire. Comme pour Louise. Oui, je ne sais pas qui est cette Louise, mais si tu as trouvé ça dans son sang, je peux te certifier que la pauvre a bien été assassinée. Mais pourquoi maintenant ? À quoi ça rime ? La RDA n'existe plus, la Stasi non plus. Regarde, même toi, tu es ici, en Suède, à imaginer des mots croisés. Détrompe-toi. Le service existe toujours. Ils changent de nom, mais ils sont très actifs. Ceux qui croient qu'on espionne moins de nos jours n'ont rien compris. et plusieurs des vieux maîtres sont encore en activité. Et ils sont patients. Nous avons mis 2 ans à retrouver Boris à Notting Hill. Tôt ou tard, les gens sont rattrapés par leur destin, cher ami. Rattrapés. En l'occurrence, cette femme avait près de 75 ans. Il paraît quand même peu probable qu'elle continuait encore ses activités. Peu importe, quelqu'un a peut-être pris le relais. Mais les agents à la retraite restent précieux. Personne n'a envie de les voir démasqués, même quand ils ne sont plus en activité. On tue pour moins que ça! Herman? Seulement pour les grandes occasions. Par exemple, quand je découvre que ma belle-mère était un agent russe ou que mon père est passé au commissariat prendre son arme confisquée par son supérieur, ouais, je fume. Ça, c'est du Martinson. Il tient beaucoup à toi, tu sais. Et moi aussi. Yossi est malade. Je crois que... des gens sont venus ici et je crois que cette histoire pourrait vraiment devenir dangereuse. Allez, vous rentrez tous les deux. Moi, j'ai pas le droit à la Traviata ou à Rigoletto. J'ai retrouvé un vieux carton de vinyle l'autre jour dans le grenier. Ta mère avait horreur des Spoutnik. Je les avais pas écoutés depuis 30 ans, peut-être. J'ai interrogé Hans. Je l'ai presque menacé. Il était tellement furieux qu'il est parti de la maison en emmenant Clara. Linda, pense en flic, agis en flic. Tu sais bien que c'est pas de cette façon qu'on arrive à quoi que ce soit. Je sais... Je lui demanderai pardon quand il rentrera. Mona n'a jamais fait ça. Quoi ? Partir de la maison ou demander pardon ? Oh, ça, elle partait souvent. La porte qui claque, c'était son argument suprême. Mais elle ne s'excusait jamais en rentrant. Tu sais qu'elle dit exactement la même chose sur toi ? Je croyais qu'on était d'accord pour dire que ta mère raconte beaucoup de salades. Arrête ! Toi aussi t'en racontes. Les Fonenke aussi, apparemment. Tout le monde raconte des salades. C'est bon ? On peut passer à autre chose ? On peut avancer ? Je crois que j'ai trouvé le lien entre Louise et l'Allemagne de l'Est. Après ton message, j'ai fait des recherches sur ces mélanges dont parlait ton copain Hébert. Ce n'est pas mon copain. Bon, j'ai repensé à ce que tu m'as dit sur ce mélange qui ressemblait aux substances dopantes des équipes de l'Allemagne de l'Est. Mais il s'est avéré que dans le cas de Louise, c'était du poison, pas du dopage. Peu importe, ça m'a permis de comprendre le lien entre tout ça. Le pont. C'est-à-dire ? Quand Hans a compris que je l'emmenais sur ce terrain-là... Il n'a pas beaucoup aimé. Ça remonte à très longtemps, avant la naissance de Hans et même celle de Signe. Louise servait d'interprète à une équipe de plongeuses suédoises. Elle-même était une grande plongeuse. Elle s'est rendue plusieurs fois en Allemagne de l'Est au début des années 60. Et devine quel scientifique a mis au point les somnifères très spéciaux de la Stasi ? L'entraîneur officiel des équipes olympiques est-allemandes. Tu vois, moi aussi j'agis en flic. Elle aurait profité de ses allers-retours pour masquer sa véritable activité ? Qu'elle ait accepté ce job d'interprète en connaissance de cause ou qu'elle ait simplement été enrôlée là-bas, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ses visites n'ont pas duré longtemps. Les Suédois n'ont jamais été interdits de séjour à Berlin ? C'était pas ça le problème. Hakan se préparait à occuper un poste stratégique dans l'état-major. Il était absolument impensable que son épouse ait des contacts avec l'Est. Il lui a demandé d'arrêter. Mais peut-être que quelques allers-retours avaient été suffisants pour développer des contacts. Oui, je pense que c'était amplement suffisant. Ces gens-là ont, comment dire, le sens de l'efficacité. Hans a de vagues souvenirs de sa mère revenant de Berlin-Ouest avec des jouets en bois. Mais elle, qu'est-ce qu'elle apportait à Berlin-Est ? Certainement pas des jouets en bois. Est-ce que tu voudrais venir avec moi ? Rencontrer Signe ? Bonjour monsieur, ravi de vous revoir à la clinique. Madame. Bonjour. Vous venez voir Signe? Oui, voici ma fille Linda, sa belle-sœur. Mais avant, j'aurais voulu vous poser quelques questions. Vous avez déjà vu cette femme? Non, jamais. Qui est-ce? La mère de Signe. Je pense qu'elle est venue ici récemment. Attendez, je ne suis pas toujours là, donc je vais regarder le registre. Alors, voyons ça. Non. Depuis la dernière fois que son père est venu, elle n'a eu que deux visites, vous et son oncle. Le fameux Gustave. Oui, c'est ça, Gustave von Encke. C'est vous qui étiez là le jour où il est venu? Est-ce que par hasard, vous le reconnaîtriez sur cette photo? Montrez-moi. Oui, exactement. Avec quelques années de plus, mais c'est lui. Je vous remercie beaucoup. Ma chérie, tu vois que tu connais Gustave? Ah mais oui, l'oncle Gustave. Avec son drôle d'accent. Parce que l'homme sur la photo s'appelle en réalité Steve Atkins. Et je vous prie, mademoiselle, de me prévenir, moi ou le commissaire Itterberg à Stockholm, si jamais il revenait, c'est d'accord? Oui. C'est un oncle un peu éloigné, on va dire. D'accord. Oui, bah je... Je connais le chemin de la chambre, merci. Je vous en prie. Excusez-moi, j'ai juste une dernière question. Oui? Vos arbres dans l'allée, ce sont bien des frênes? Exactement, oui, vous avez l'œil. Merci, je tiens ça de mon père. Louise est donc venue ici avant de mourir. Elle est venue voir sa fille. Mais pour une raison inconnue, elle n'est jamais arrivée jusqu'à sa chambre. Est-ce qu'elle a croisé Steve Atkins dans le parc, qui aurait contrarié ses plans, ou l'inverse? Comment savoir dans cette histoire qui a contrarié les plans de qui? Tu sais, j'arrête pas de penser à l'ordre des choses, l'enchaînement. Rydberg disait toujours qu'un événement ultérieur peut parfois expliquer le premier et non l'inverse. Et si on s'était trompé depuis le début? Si le personnage principal dans cette histoire, c'était Louise? Hein, qu'est-ce que t'en penses? Allez, Linda, viens, je sais que c'est difficile. Est-ce que... Hans est peut-être pas obligé de venir tout de suite, tu sais. Tu crois qu'elle nous entend? J'en sais rien, j'espère. C'était « L'homme inquiet » de Henning Mankell. Traduction, Anna Gibson. Adaptation, Claire Luluerne. Huitième épisode. Avec Vincent Schmitt, Kurt Wallander, Fanny Touron, Linda Wallander, Bertrand Suarez-Passos, Hans von Encke, Jean-Gabriel Nordmann, le commissaire Itterberg, Andrea Brusk, la réceptionniste de la clinique, Hervé Furic, Magnus Martinson, Pauline Ziadé, Sophia, Vernon Dobchev, Hermann Hébert, et Ange Amiel, Yann Sundberg, Mathias Simon, Claire Boquet, Othello Vilgar, Marina Moncade. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Bernard Lagnel, Manon Houssin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand. L'homme inquiet de Henning Mankell est publié aux éditions du Seuil. À demain.